Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une communauté sans entrave sur une montagne magique. Nous sommes sur les bords ensoleillés du lac Majeur, en Suisse italienne. Six pionniers s'installent sur les hauteurs d'une colline près de Locarno, où ils théorisent et mettent en place l'amour libre, l'union avec la nature et la libération par la danse. Pendant près de deux décennies, la communauté de Monte Verita ne cessera de grandir, attirant des mystiques, des anarchistes, des végétariens, des psychanalystes, des artistes et des intellectuels de tous bords. Le rêve de ces jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, qui vivent d'amour et d'eau fraîche, et là ce n'est pas une image mais une réalité, c'est atteindre la vérité, leur vérité, par un mode de vie qui brise l'ordre bourgeois et capitaliste de la société européenne, débarrassée de l'emprise de l'argent, donc du mal. Ah, les années 60 et 70, les hippies et peace and love, c'était quelque chose tout de même, nous diront ceux qui ont vécu cette période. Sauf que l'histoire de Monte Verita remonte à 1900, oui, 70 ans avant Woodstock. Comme quoi le rejet d'un monde et de ses passions tristes, un monde dont les valeurs les plus prisées sont les valeurs boursières, ne date pas d'hier. Mais si Monte Verita constitue l'un des creusets de la modernité, le symbole d'une contre-culture foisonnante, la montagne va s'assombrir peu à peu. Le profit, la guerre, la maladie, autant de calamités qui viendront blesser, abîmer, décourager la petite colline de Monte Verita jusqu'à sa mort. C'est donc l'histoire de ce phalanstère si particulier, en tout cas pour l'époque, que nous allons vous raconter aujourd'hui. Notre invité, Cain Nochis, analyste jungien et psychothérapeute à Lausanne, auteur du livre Monte Verita, Ascona ou le génie du lieu, édité aux presses Polytechnique Romande en 2011. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et Retro News, le site des archives de presse de la BNF. Récit documentaire, Jeanne Mayer, coordination, Christophe Barrère, réalisation, Marion Lelay. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter. Fin du 19e siècle. Dans toute l'Europe, mineurs et ouvriers se tuent à la tâche plus de 70 heures par semaine pour que s'épanouissent l'industrie et le capitalisme au bénéfice de la classe dominante, la bourgeoisie. Alors que se diffusent à grande échelle le train, le télégraphe, le moteur électrique ou la publicité, les valeurs de l'argent s'imposent peu à peu et remplissent les poches des actionnaires. Le capital l'emporte sur le travail. Quant à la cellule familiale, elle est hiérarchique, dominée par le père, à l'image de la société où la religion catholique impose encore sa loi et ses tables. Famille, mérite, ordre, travail, prospérité. Autant de préceptes que certains libres penseurs vont violemment rejeter au tournant du XXe siècle. Parmi eux, six jeunes gens de milieux aisés. Nous sommes en 1899 dans le village de Bled, au niveau de l'actuelle Slovénie. Sur les bords d'un lac glacé, le sanatorium Rikli offre des séjours au grand air pour une bourgeoisie audacieuse en quête de nature et de bain de soleil naturiste. C'est là que vont se rencontrer Ida Hoffmann, 35 ans, et Henri Edenkoven, de 10 ans son cadet. Ida a été professeure de piano et dame de cour à Vienne. Elle admire Tolstoï et elle se bat pour l'émancipation de la femme. Contre l'avis de ses parents, elle part avec Henri, riche héritier d'un industriel belge qu'elle va convaincre de changer de vie. Car Ida Hoffmann a une idée. Imaginez un lieu de vie alternatif, loin des carcans bourgeois, où l'on pourra expérimenter l'existence fondée sur la spiritualité et le végétarisme. Le couple, qui refuse de se marier légalement et qui prône donc l'union libre, va rassembler dans cette aventure quatre amis, issus comme de familles bourgeoises et éduquées. Jenny Hoffmann, la sœur d'Ida, une jeune chanteuse, l'allemande Lotte Atmer, fille d'un industriel et enseignante, et enfin les frères Karl et Gustav Graeser. Le premier est un ancien officier de l'armée autrichienne, le second, surnommé Gusto, est un artiste peintre et poète qui vit en marginal, tendance à la corette. Un type assez marrant qui se faisait appeler Gusto, car j'ai le goût à la vie, disait-il, goût comme gusto en italien. Et à chaque visiteur, il offrait un brin d'herbe, son nom de famille venant de Gras, l'herbe en allemand. Qui Ida, Jenny, Lotte, Henri, Carl et Gusto partent donc à la recherche d'un endroit où expérimenter d'autres façons de vivre. Et c'est en 1900 que les frères Greiser découvrent Ascona, un village de pêcheurs du Tessin, un canton suisse italophone. Là, à 330 mètres, s'élève sur les rives du lac Majeur une colline de roches grises et de bouleaux, Monachia. D'un écrin de verdure fleurie dont les flancs caressent les eaux cristallines du lac. Alors immédiatement, les frères Greiser en ont la certitude. Dans ce petit paradis terrestre résonnent des échos sacrés, ceux de la libre pensée sans doute, car depuis déjà une trentaine d'années, de nombreux intellectuels, dont Bakounine, Nietzsche et Lénine, sont passés par la région d'Ascona. C'est donc là, sur cette aire fertile et lumineuse, que les six pionniers s'installent. Voilà la description émerveillée qu'en fera l'écrivain Erich Mitzham. Comme il est beau ce paysage. Partout à la ronde, la ligne vert sombre des montagnes. De longs plateaux aux courbes douces, qui ondulent et s'abaissent lentement ici et là, parfois entrecoupés de cimes pointues comme des volcans. La couleur du lac est vert clair, parfois bleuté. Sauf les jours de tempête où des vagues puissantes déferlent sur le rivage avec un grondement. C'est comme si les rives escarpées, plongeant dans son eau, soulevaient le sol du lac avec des doigts souterrains. Des vignes, pour la plupart abandonnées, donnent à ce paysage un aspect encore plus mystérieux et poétique. Il se trouve que la colline Monachia que les frères Greiser ont repérée est à vendre. Le propriétaire, un certain Alfredo Pioda, juriste et politicien, espérait faire construire un couvent de théosophie avant de devoir faire marche arrière. Un heureux hasard, car la théosophie intéresse beaucoup Ida Hoffmann, la compagne d'Henri Oldenkoven. Ce mouvement religieux et philosophique, qui inspirera notamment Gandhi, établit qu'une vérité supérieure et commune existe dans toutes les religions. Un syncrétisme fraternel qui attire les six pionniers d'Ascona. Le groupe voit dans le projet d'Alfredo Pioda la preuve que la colline Monachia est balayée par un vent de spiritualité propice à leurs aspirations. Ils achètent donc le terrain, chacun selon ses moyens. Ceux d'Henri Oldenkoven étant conséquent, puisque le père du jeune homme est très fortuné, c'est lui qui fournit l'essentiel des 140 000 francs suisses nécessaires à l'acquisition du domaine. Henri et sa compagne Ida, l'initiative de la communauté, propose alors de renommer la colline Monachia. Désormais, elle s'appellera Monte Verita, la montagne de la vérité en italien. Nous sommes en 1900, l'aventure commence avec le nouveau siècle. Tous partagent les mêmes idées, le rejet de la morale chrétienne et du capitalisme, l'égalité des sexes, la recherche de la spiritualité et surtout, la nécessité d'un retour à la nature sauvage. Dans cette optique, la première étape pour chacun, c'est de se défaire des carcans physiques qui les empêchent de vivre pleinement et naturellement, autrement dit, les vêtements. Alors, les femmes dénouent leurs corsets et leurs cheveux, les hommes abandonnent leurs redingotes cintrées et tous vivent désormais libres de leurs mouvements. Etty Rogontini de Beauclair, dont les parents rejoindront bientôt Monte Verita, se souvient dans un documentaire de Marie Chartron, diffusé dans LSD, la série documentaire, sur France Culture. Mon père n'a jamais porté les vêtements comme on était habitué comme homme, mais avec des pantalons qui arrivaient seulement jusqu'ici, un peu sous le genou, et puis avec une espèce de casaque que ma mère faisait aussi pour lui. Et puis, vous savez que comme ils étaient véganes, ils n'apportaient rien de l'animal, naturellement. Alors, seulement du lin ou coton, oui, seulement comme ça, oui. Et les hommes laissaient les cheveux longs et les barbes. Et ça, c'était naturellement très visteux, on peut dire, pour ici, parce que les gens ici apportaient encore beaucoup de choses en noir et puis toujours... Les gens d'Ascona n'acceptaient pas tout à fait ces gens, ils disaient que c'était fou. Des tuniques et des aubes, des robes amples dans des tissus écrus, des sandales, voilà les vêtements dits réformés que l'on porte à Monte Verita. Une révolution, notamment pour les femmes. Une attitude en tout cas qui doit permettre à chaque individu de faire du bien à son corps afin de faire du bien à la société. Une philosophie par le textile. La toute jeune communauté commence par construire des abris au plus près de la nature, avec l'appui technique et en aucun cas gratuit de charpentiers locaux. Des maisonnettes en bois, une pour chacune et chacun, baptisée Cabane Air Lumière, avec vue sur le lac Turquoise. Des arbres futés, fruitiers et un potager sont plantés. Et ce sera là, avec la méditation, l'exercice physique et la promenade, la principale activité des six de Monte Verita, cultiver la terre pour se nourrir. Car l'un des principes essentiels établis par Ida Hoffmann et ses amis, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le véganisme, ou presque. Sur la colline, en effet, les repas sont exclusivement constitués de fruits frais ou séchés, de légumes, beaucoup de pommes de terre, de pain, de noix, et finalement, après une longue hésitation, de laitage. Ça, c'est la philosophie par l'assiette. Par ailleurs, un peu à cette tout de même, les pionniers de Monte Verita refusent café, alcool et cigarettes, comme l'explique l'historien Marc Luet sur France Culture. Ida Hoffmann a eu cette expression. Le végétarisme est un feu purificateur. Chacun de ceux qui passent par ce feu purificateur est en fait rendu meilleur. Et être meilleur, c'est ne pas instrumenter son prochain, c'est le traiter avec égard. Ça ne révolutionne pas forcément la société au plan institutionnel, bien sûr, même pas du tout, mais ça crée d'autres rapports. Et Ida Hoffmann était, par exemple, très choquée. Elle avait été reçue dans la bonne société parisienne, je crois, en 1903-1904 avec son mari. Elle avait été très choquée par la façon dont on traitait le personnel de maison. Et elle était persuadée que si ces gens avaient été végétariens, ils ne traiteraient pas leur personnel comme ça. Et d'ailleurs, au Monte Verita, ça c'est une des caractéristiques du Monte Verita, il n'y a pas de personnel. Pas de viande, pas de domestique, respect de la nature, respect de l'homme, égalité homme-femme, rejet de tout rapport de domination, c'est l'équation des fondateurs de Monte Verita. Et pas d'argent non plus, surtout pas. Gérée en coopérative, la communauté est censée être autonome et subvenir aux besoins de ses membres, chacun travaillant pour tous, sans qu'aucun salaire ne soit versé. Le troc, lorsque cela est possible, est donc privilégié. Ida, Jenny, Lotte, Henri, Carl et Gustave se rendent ainsi le moins possible dans les villages d'Ascuona pour acheter ce qui leur manque. Mais au cours de l'année 1900, certains vont y descendre plus que d'autres. Parce que à Monte Verita, tout le monde ne croit pas à l'autosubsistance totale. D'autant que les cabanons et les charpentiers qui les construisent ont un coût, tout comme l'eau et l'électricité qu'il faut faire monter en haut de la colline. En 1901, un an après l'achat du terrain, Ida et Henri proposent à leurs amis une solution. Faire de leur site communautaire un sanatorium, à destination de ceux qui veulent renouer avec leur nature profonde. Une version libertaire et mystique du centre naturiste où ils se sont rencontrés 2 ans auparavant. Pour le poète Gusto Graeser, la scission est inévitable. Comment ça faire de Monte Verita un centre de vacances, payant qui plus est? Non. Ce serait être rattrapé par les principes capitalistes que la communauté est justement censée fuir. Le jeune homme va alors s'installer dans une caverne à 2 kilomètres du futur sanatorium, rapidement suivi par son frère Carl et Jenny, désormais en union libre, ainsi que par Lotte. Tous vendent leur part à Henri Odenkoven, qui possède désormais l'intégralité du domaine. L'active, c'est fini. En 1902, Ida Hoffmann et Henri Odenkoven ouvrent officiellement la colonie coopérative végétarienne de Monte Verita. Des journalistes allemands, suisses et français sont alors accueillis pour faire la publicité de la drôle de cure que propose ce sanatorium pas comme les autres. En France, Georges Renard est le premier à y consacrer un article plutôt amusé, voire franchement moqueur, dans La Petite République. La pension y coûte assez cher, 10 francs par jour, pour le moins. Hélas, faut-il donc être riche pour revenir à la nature, prendre des bains d'air et se nourrir de noisettes? L'entreprise serait-elle plus commerciale qu'humanitaire? Je détourne les yeux vers les maisonnettes de bois où logent les patients, comme les nomme le prospectus. On dirait des pavillons de jardin. C'est petit, propret, simplement mais gentiment meublé. Nous n'osons compter sur cet îlot de végétariens pour être le centre de formation d'un monde nouveau. Mais après tout, la cure de Monte Verita n'est pas beaucoup plus bizarre que les ordonnances de tel médecin à la mode. Et puis, il est toujours intéressant de voir à quelles étrangetés peut aboutir la logique d'un principe poussé à bout. L'humanité fait son triage et son profit parmi les expériences les plus aventureuses de ses enfants perdus. Des bains de soleil donc, à prendre nu, un régime végétarien strict, quelques cabanons spartiates perdus entre les arbres, c'est là l'essentiel de la cure proposée par le sanatorium de Monte Verita. Les repas qui rythment les journées sont pris dans le pavillon central qu'Ida et Henri ont fait construire. Un bâtiment coquet en bois verni, composé d'un réfectoire, d'une bibliothèque et d'un salon de musique. Mais ce que le journaliste ne dit pas, c'est que les visiteurs, s'ils participent aux travaux de jardinage et d'entretien, se voient offrir la pension par Ida et Henri, chez qui l'idéal communautaire reste prégnant. Et certains vont ainsi décider de s'installer à l'année au sanatorium pour faire des préceptes de la cure leur mode de vie. Et gratuitement, on y rencontre des hommes en tunique de toile et des femmes aux cheveux lâchés, souvent jeunes, souvent adeptes de l'union libre. Certains visiteurs resteront plusieurs années à Monte Verita, comme le père de Etty Rocantilli de Beauclerc, qui raconte son enfance à Marie Chartron sur France Culture. Etty Rocantilli de Beauclerc. Oui, monsieur le passeport, je suis Enriqueta Alessandra. Parce que aussi les gens qui sont venus ici au Monte Verita, ils étaient tous traduits en italien, les noms. Votre père est arrivé au Monte Verita. 1906. 6 de Darmstadt. Et il s'appelait Wilhelm Alexander de Beauclerc. Oui, oui, c'est ça. Et il était peintre-artiste et écrivain aussi. Et comme ça, ils sont venus, ils sont restés ici. Et tout le delta ici, il n'avait pas de maison ni rien. C'était tout pâturage ou des prés. Même ici, quand ils sont arrivés, le Monte Verita était seulement un bois et pâturage, rien d'autre avant. Et puis pour aller au village, il y avait seulement des vignes qui n'étaient plus en ordre, même pas. Et à Ascona, dans le village, il y avait des étables, on dit, des sables pour les vaches. Ça aussi, on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Pour les villageois en bas de la colline, très catholiques, ces femmes d'en haut sont des prostituées. Pour le journaliste Georges Renard, elles sont trop maigres et leur teint de pain d'épices, je le cite, n'annonce rien de très correct. L'intolérance, fille de l'ignorance, ne pouvait être en reste face à ces cinglés d'en haut qui vivent différemment. Oui, différemment. Et c'est bien ce qu'on leur reproche. Les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux. En 1905, 4 ans après la création du sanatorium, un commissaire de police de Locarno est envoyé sur la colline, à la demande du Conseil d'État du comté du Tessin. Dans son rapport, il décrit des jeunes gens originaux, pourvus d'une culture au-delà de la moyenne, qui s'occupent de divertissements licites, sciences, peinture, musique, rien d'illégal. On en conclut quand même, saisissant paradoxe, qu'à Monte Verita, la vérité ressemble à ce qu'il la cherche. Originale, certes, mais finalement assez bourgeoise, tout en étant bohème. Et si nous avions là quelques ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les bobos? Enfin, pas tous, car à quelques kilomètres à peine du sanatorium d'Ida et Henri, les 4 autres pionniers, Jenny Lotte, Henri, l'aide de Karl, mènent une existence bien différente. Just a fool, and he never gives an answer about the food. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. En 1905, les 6 membres fondateurs de la communauté de Monte Verita sont installés depuis 5 ans maintenant sur cette colline verdoyante qu'ils ont parsemée de cabanons en bois. Mais le grand fondateur s'est scindé. On l'a dit, d'un côté Ida Hoffmann et Henri Odenkoven, qui vivent leur idéal végétarien et libertaire en gérant deux centres de santé. Ils offrent ou monnaient à des visiteurs, plus ou moins de passage, la possibilité d'expérimenter une existence simple, proche de la nature, avec l'eau courante et l'électricité. De l'autre, Jenny Hoffmann, Lotte Hattmer, Karl et Gustav Reiser, installés non loin du sanatorium de Monte Verita, éprouvent, eux, un autre mode de vie, sous l'influence palpable du plus jeune d'entre eux, Gusto, 26 ans. Avec sa barbe de druide, ses longs cheveux blonds, ses guenilles d'un autre âge et ses sandales, le jeune poète joue désormais le rôle de prophète à Monte Verita. Grand lecteur de la haute soupe, Gusto est un véritable mystique qui prône le pacifisme et le dénuement. Quand il ne voyage pas sur les routes d'Europe, tel un saint errant, quand il n'est pas emprisonné pour refus de service militaire, il passe de caisse verne en étable à Monte Verita, sans jamais se soucier ni d'argent, ni de confort. Au village, ceux qui ne le prennent pas pour un vagabond l'adulent, voyant en lui une incarnation divine. Aucun de ces braves gens ne réalise une seule seconde que ceux de la colline, et en particulier ceux du sanatorium, sont des gens tout ce qu'il y a plus normal, comme les villageois la pensaient en plus. Hermann Müller, archiviste, spécialiste de Gusto Graveur, l'a rencontré des années plus tard. Il témoigne dans Freakout, un documentaire de Karl Javert produit par Villa Bomben. Il était avant tout un vagabond, un pèlerin, un prophète. C'est la première photo de lui à Monte Verita. Il regarde ailleurs. Il ne voulait pas être photographié. Il n'était pas du tout intéressé par la publicité. Les enfants d'Ascona et d'ailleurs s'agenouillaient souvent quand il passait parce qu'ils pensaient que c'était le Messie. Un très grand calme et en même temps une très grande énergie. Et ses yeux, ils nous transperçaient. C'est comme s'il n'était déjà plus là. Et en même temps, il était présent de façon si intense. En 1908, Gusto rencontre Elisabeth Dorr, veuve et mère de 5 enfants, qui l'emmène à Monte Verita. Là, dans une clairière, ils font 3 autres enfants. Ils mènent une existence rude et isolée dans les bâtiments abandonnés, sans eau courante, éclairée à la bougie, régime de fruits et de légumes crus, privation continuelle. Et tandis que les hommes profitent de leur liberté, les femmes s'occupent de la vie quotidienne. Elles vont chercher l'eau à la source et elles s'occupent de nombreux enfants. C'est là l'un des paradoxes de cette petite communauté. Car Monte Verita repose initialement sur un projet de société matriarcale, libérée du mariage religieux où la femme serait en mesure de s'épanouir pleinement. Ida Hoffmann, à l'initiative de toute cette aventure, a même écrit plusieurs livres sur l'émancipation féminine. Elle y défend notamment le droit à l'amour libre, le partage des travaux domestiques et célèbre les vêtements sans repassage qui libèrent la femme. Malgré cet idéal fondateur féministe, les compagnes des frères Graser, Jenny et Elisabeth, s'épuisent. De plus en plus fréquemment, Jenny va rendre visite à sa sœur Ida, qui vit plus confortablement dans un vaste pavillon de bois du sanatorium. Mais Lotte, l'une des 6 pionniers de Monte Verita, se suicide en 1906. Sainte Lotte, comme on l'appelait alors, n'aurait pas supporté l'intensité de l'expérience menée depuis maintenant 6 ans. Reste qu'à Monte Verita, l'existence sauvage de la micro-communauté de Gusto fascine les visiteurs. Elisabeth et Jenny, avec leurs robes blanches, leurs poitrines libres et leurs couronnes de fleurs, incarnent une maternité primitive et sauvage qui interpelle les esprits les mieux éclairés. À l'image de l'écrivain Erich Mitsam, qui passe à Ascona en 1905, il décrit l'éducation que Jenny Graser donne à son fils. Le petit Habakkuk, enfant exceptionnellement mignon et intelligent, jouit de l'éducation la plus libre que l'on puisse imaginer, à savoir aucune éducation du tout. On ne lui ordonne rien et on ne lui interdit rien. Il peut dormir et manger quand il veut, il peut s'amuser comme un fou, où il veut et tant qu'il en a envie. Mais ce qui émerveille le plus, c'est que ses parents le prennent tout à fait au sérieux. On ne le dresse pas, comme le font les familles de la bourgeoisie allemande avec leurs enfants. Au lieu de cela, il est assis parmi les adultes et quand il a une remarque à faire, on l'écoute avec le même sérieux et avec le même respect que les autres. Nous sommes en 1910. En une décennie, la communauté créée par les 6 membres s'est étendue. Des enfants sont arrivés, comme le petit Habakkuk donc, et plus de 200 personnes vivent désormais sur le terrain d'Henri Hodenkoven, Ida Hoffmann ou aux alentours. La liberté de mœurs et la proximité de la nature attirent sur la colline des touristes et des résidents plus ou moins permanents qui viennent goûter aux deux vérités que propose Monte Verita. D'un côté, l'idéal bohème des salons de musique et de lecture que tient désormais Ida. De l'autre, la spiritualité inspirante et superbement radicale de Gustav Raser et consorts. Après 1910, Monte Verita devient un centre culturel majeur en Europe pour tous ceux qui souhaitent transformer la société et imaginer d'autres façons de vivre. On y trouve notamment des communistes ainsi que des anarchistes, comme l'écrivain Eric Mussam, très critique vis-à-vis des visiteurs du sanatorium dont il moque le végétarisme et l'individualisme capitaliste. Il considère que les lieux sont pourtant propices aux expériences les plus méritoires et il rêve d'y fonder une république des persécutés. La quantité d'individus extraordinaires qui s'y sont d'ores et déjà établis, ceci en relation avec le caractère indulgent et libéral de ceux qui ont toujours habité là, tout cela prédestine le village d'Ascona à être un lieu de rassemblement d'un genre de personnes qui, par leurs dispositions individuelles, sont peu à même de devenir un jour utiles aux membres de la société capitaliste. Je souhaite du fond de mon âme qu'Ascona devienne un jour un refuge pour des prisonniers libérés ou évadés, pour des sans-patries persécutés, pour tous ceux qui, victimes des conditions existantes, sont traqués, torturés, mais qui n'ont pas encore perdu le désir de vivre dignement parmi des hommes qui les respectent comme leurs semblables. L'écrivain anarchiste Eric Mussam et ses comparses révolutionnaires côtoient les adeptes du véganisme et du naturisme qui transitent également à Monte Verita, ainsi que des artistes et des marginaux en quête de spiritualité. Certains sont aussi bourgeois que la morale à laquelle ils essaient d'échapper, d'autres sont d'origine modeste et cherchent sur la colline une vie aussi simple qu'économique. Sur les bords du lac Majeur, la montagne de la vérité accueille ainsi des sculpteurs et des médecins, des négociants et des ouvriers révolutionnaires, des mères célibataires et des homosexuels, des poétesses et même le futur nazi Hugo Hoppner, connu sous le nom de Fidus, un peintre allemand inspiré par la théosophie. Les noms du philosophe Martin Buber, du psychanalyste freudien Otto Gross ou du prix Nobel de littérature Hermann Hesse ont fondé la renommée de Monte Verita, berceau des avant-gardes européennes. Mais l'art qui doit le plus à Monte Verita, c'est sans aucun doute la danse. Depuis les débuts de l'aventure, les habitants de la colline, dont les mystiques Gusto, danse pour tenter de renouer avec la nature, le cosmos, mais aussi leur intériorité originelle. Dans les villages d'Ascona, les pêcheurs, corsetés dans leur catholicisme inhibant, parlent de danseurs nus, possédés par le diable, les balabiotes en dialecte local. Durant la deuxième décennie du siècle dernier, de grands chorégraphes de l'époque viennent séjourner au sanatorium, attirés par l'aura des lieux et la place que la danse y occupe. Parmi eux, le chorégraphe hongrois Rudolf Laban, qui deviendra célèbre en inventant un système d'écriture du mouvement qui fera date, la cinétographie Laban. Du groupe originel des 6 pionniers de la colline, il ne reste désormais plus que Ida Hoffmann et Henri Hodenkoven. Les autres sont morts ou ils ont quitté l'aventure, comme Gusto, qui a pris la route avec femme et enfant en 1911. Alors que le sanatorium est une entreprise économiquement fragile, Ida et Henri proposent à Rudolf Laban d'installer son école de danse. Là, à Monte Verita, ce sera l'école pour l'art de vivre. Dans une lettre à sa compagne, Suzanne Perrottet, le chorégraphe raconte. Tous les matins, dans la véranda de ma maisonnette entourée de baies, je sonnais le gong. Tous se mettaient au travail. On se partageait le matériel et avant le petit déjeuner, les groupes se répartissaient dans les différents jardins pour désherber, planter, labourer. Les femmes organisaient des ateliers de couture et confectionnaient des costumes de danse et des sandales. Notre principale préoccupation était de trouver des lieux pour danser. Au début, nous utilisions les prairies avoisinantes, autour desquelles nous avions aménagé des places assises. Il était prévu de construire un bel espace mixte avec un côté couvert en cas de mauvais temps et l'autre à l'air libre. Rudolf Laban, sa famille et ses élèves, Suzanne Perrottet, Maya Lederer, Marie Wegmann emménagent à Monte Verita, où le maître développe une conception inédite de la danse. On ne reproduit plus des pas comme dans le ballet classique ou la danse traditionnelle, mais on exprime spontanément sa sensibilité, parfois même sans musique. Selon les mots de la danseuse Marie Wegmann, il s'agit de s'abandonner à l'envie et d'absorber les pouvoirs qui d'habitude osent à peine faire surface sous notre couverture civilisée. Une danse libre qui devient l'ADN de Monte Verita. La grande Isadora Duncan, qui révolutionne elle aussi la danse au début du XXe siècle, viendra à deux reprises rencontrer les danseurs de Rudolf Laban. Ensemble, ils posent les bases de la danse contemporaine. Mais Monte Verita va bientôt devoir affronter des démons inattendus dans un tel havre de paix. En 1914, la guerre éclate et au fil des années, les résidents de la colline de la vérité vont peu à peu quitter les lieux. Les frontières ferment, les hommes sont enrôlés, le sanatorium délaissé. Henri Odenkoven, son propriétaire, doit se rendre à l'évidence. Un jour, bientôt, il faudra vendre. Et c'est en plein cœur de la guerre que le chant du cygne résonne dans les montagnes autour d'Ascône. À l'été 1917, Ida Hoffmann, fascinée par la théosophie et par les sciences occultes, invite à Monte Verita le congrès de l'Ordo Templi Orientis, un mystérieux rassemblement organisé par une loge maçonnique non officielle où se réunissent théosophes, végétariens, occultistes et pacifistes pour parler spiritualité, émancipation de la femme et mode de vie alternatif. Le 18 août, alors que la guerre déchire l'Europe, le chorégraphe Rudolf Laban offre son dernier spectacle à l'occasion du congrès L'Hymne au Soleil. 12 heures de danse, du crépuscule jusqu'à l'aube, des torches, des masques, et comme seul décor, les clairières environnantes et la nuit étoilée. Trois ans plus tard, en 1920, Henri trouve enfin un repreneur pour le domaine de Monte Verita. Et avec Ida, il quitte la Suisse pour l'Amérique latine. Lui a 45 ans, elle en a 56. Après 20 ans d'une vie étonnante et libre, le couple meurt peu de temps après. Le sanatorium de Monte Verita, vidé de ses résidents, ferme définitivement. La guerre a mis fin au rêve. Alors que la communauté de Monte Verita a périclité, anéantie par la guerre et la question de la subsistance économique de ses membres, d'autres ombres apparaissent. Celles déjà anciennes du capitalisme et celles nouvelles des totalitarismes. Le domaine, racheté en 1926 par un baron et banquier néerlandais, se transforme alors en hôtel de luxe et connaît une nouvelle vie. Certes, le complexe accueille toujours des artistes et on y pratique le yoga et la danse. Mais c'en est fini des légumes crus. Place à la gastronomie. Des grands bourgeois conservateurs qui y séjournent regardent avec curiosité le passé bohème du lieu. Mais rares sont ceux, sans doute, qui oseraient se promener nus dans les clairières de Monte Verita. Après la Seconde Guerre mondiale, le propriétaire du Grand Hôtel est accusé d'avoir commercé avec les nazis. Et Monte Verita est finalement cédé au canton du Tessin, qui en fera un lieu culturel et de mémoire, laissant beaucoup de rêves sur le bord de la route. No political solution. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de Monte Verita. Notre invité, Kainoshis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste jungien et psychothérapeute à Lausanne. Vous avez écrit Monte Verita, Ascona ou Le génie du lieu. On reviendra sur Le génie du lieu parce que ça dit beaucoup de choses. Édité aux presses polytechniques romandes en 2011. D'abord parce que cette histoire peut faire rêver, après tout. Il y a des gens qui ont peut-être envie que ça existe encore. Est-ce que vous connaissez dans le monde aujourd'hui des endroits qui pourraient ressembler à celui-là dans la même philosophie? Ou est-ce que ça n'existe plus? Non, moi je pense qu'il y a... Maintenant, malheureusement, j'ai pas vraiment suivi les communautés qui sont développées à partir de ces expériences type Monte Verita, mais je suis persuadé qu'il y en a aujourd'hui de nombreuses. Je sais qu'il y en a en Inde, je sais qu'il y en a en Italie du Nord, je sais qu'il y en a en Amérique. Donc c'est un peu avec cette même approche de créer un monde à part. Il y en a. Et à l'époque, surtout, peut-être qu'il faut rappeler aussi qu'au moment de Monte Verita, il y en avait quand même d'autres aussi, n'est-ce pas? Il y avait en Italie plusieurs communautés qui se sont établies. La caractéristique commune de ces communautés était de se trouver au soleil, parce que c'était essentiellement des gens du Nord qui allaient chercher un peu la chaleur du soleil et la vie que le soleil permet et qui est plus difficile au Nord. C'est ce que nous dit d'ailleurs, les Beatles dans Good Day Sunshine, l'une de leurs chansons. Je dis ça parce que on pense, quand on voit les gens de Monte Verita, à ceux que nous, on a connus de près ou de loin, en fonction de notre âge. On pense aux hippies des années 60. Est-ce que ce mouvement hippie s'est revendiqué parfois de Monte Verita? Alors, dans l'autre sens, ça, je le sais, mais je pense que ce que vous dites est tout à fait logique. C'est logique si le premier sens marche. Voilà, le premier sens, dans le premier sens, oui. On est vraiment... c'est une filiation directe, ça. Voilà, tout à fait. Et puis, je sais qu'à Monte Verita même, après la... Vu qu'aujourd'hui, c'est un lieu qui permet des réunions et des rencontres et des conférences... à la suite du mouvement hippie, il y a eu toutes sortes de réunions aussi qui ont voulu, d'une manière ou d'une autre, rappeler que voilà l'ancêtre de tout ce mouvement des années 60-70 est né à ici à Montessin, à Monte Verita. Oui. Et alors aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, que reste-t-il? Je veux dire, que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de cet endroit? Est-ce qu'il reste quand même l'esprit, malgré tout? Oui, disons, moi je serais tenté de dire qu'à la fois il reste beaucoup, et peut-être de l'autre côté il reste rien. C'est-à-dire que beaucoup dans le sens où on peut encore reconnaître les lieux et même les constructions de l'époque, elles ont été préservées en partie, donc des cabanes, de ces cabines ou cabanes air soleil, et même la maison de Eudenkoven et Hoffmann est encore a même été rénovée récemment. C'est une magnifique maison en bois construite donc en 1906. Donc il y a beaucoup de constructions qui sont encore là. La colline évidemment elle est là aussi. Et il y a cette magnifique ouverture sur le lac. Il y a une végétation somptueuse qui aussi était là de manière, c'était d'autres essences à l'époque. Mais au fond, on peut reconnaître encore aujourd'hui beaucoup de l'original. Quelqu'un qui, et moi je dirais que c'est un peu ça qui m'a amené aussi à écrire ce livre, c'est que tout d'un coup j'ai senti des choses sur place qui où je me suis dit tiens mais ça doit dater de venir de loin, et effectivement c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du lieu. Et puis au fond c'est un peu ce que j'essaye de défendre dans le texte, cette idée que voilà, et là on arrive déjà un peu au génie du lieu, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose sur place qui non seulement qui plus que inspiré fait que on ressent qu'on participe à quelque chose de fort et qui émane du lieu, n'est-ce pas? Et donc là, je dirais continuité. En même temps, de l'autre côté, tout a changé parce que même si la propriété elle-même, donc le sommet de la colline existe encore avec les constructions d'origine, ce qui se trouve entre la colline et la ville d'Ascona, qui est donc en bas au bord du lac, toute cette partie-là est très densément construite, pleine de immeubles, hôtels, ciment, asphalte, etc. Donc ça a totalement transformé ce lieu-là. Mais celui qui arrive un peu avec dans sa tête les images de l'époque peut en ressentir encore quelque chose aujourd'hui. Donc sans vouloir maintenant être office de tourisme, mais je suggère fortement de s'y rendre. Le génie du lieu, on va creuser encore un peu. Sur le concept de génie du lieu, on va creuser encore plus tout à l'heure, dans 3 minutes après avoir écouté King Gizzard and Lizard Wizard, Straws in the Wind. Galvanizing uncertainty, mindful of the weary inkling that is lurking. Kainoshis, nous reprenons notre discussion autour de Monte Verita. Donc, je rappelle le titre de votre livre en 2011, hein, Monte Verita, Ascona, ou le génie du lieu. Je reviens sur le génie du lieu. Est-ce que je dois comprendre, est-ce que nous devons comprendre que les lieux en eux-mêmes sont autant porteurs de philosophie que les gens qui viennent investir les lieux? Est-ce que c'est ça? C'est une manière de le dire. Moi, je pense vraiment. Donc, c'est pas ça. Qu'il y a des lieux qui à travers lesquels, enfin, des lieux, nous sommes en contact avec les génies, hein, les dieux, pour le dire autrement, et que ces dieux nous prennent pour s'exprimer, n'est-ce pas? C'est comme ça que je entends le mot génie dans le livre. Il a beaucoup été question dans votre, d'ailleurs, je vous le félicite pour la manière de rendre toute cette histoire de Monteverita, parce que je l'ai écouté avec beaucoup de émotion et il y a cette deuxième partie dans mon livre où il est question de des rencontres d'Eranos, donc ces rencontres qui ont était très marqué par Carl Gustav Jung, en même temps étaient des rencontres, disons pour faire très bref, entre Orient et Occident, mais avec présent tous les humanistes et hommes de science qui, à partir des années 30 et jusqu'à pratiquement récemment, mais du moins pendant toute la durée de la vie de Jung jusqu'en 1960, étaient des rencontres où ces questions étaient discutées, des questions telles le rapport entre l'homme et le temps, l'homme et l'énergie, l'esprit et la nature, etc. Et c'est parmi nombreux de ces participants, tels Mircea Eliade, Corbin, Durand, Hillman, Carigny, etc. Et j'ai consulté un peu tout ce qu'ils ont écrit eux-mêmes sur leur séjour à Monteverita. Et ils indiquent clairement comment, au fond, il est question de pas seulement échange autour de thèmes de discussion intellectuels, etc., mais qu'il y a autre chose qui se passe sur la place, C'est quoi ce qui se passe? Qui vient de ce qui est, ça vient de, c'est l'interférence peut-être, on pourrait le dire comme ça, la présence, l'impact du lieu, du vent, des vagues, du ciel, de la vue, de la nature, des bruits et couleurs. Mm-hmm. Et c'est ça que vraiment fait en sorte que les conférenciers et tous les participants à ces colloques ont réellement pu vivre quelque chose qui est justement sentir, n'est-ce pas? Et je pense que c'est d'une grande actualité, ce fait de sentir aussi fortement la présence de la nature et dire que ce que nous exprimons, c'est au fond ce que l'on ressent à travers le lieu, n'est-ce pas? Oui. Et je crois que c'est ça, ce thème du génie du lieu, n'est-ce pas? C'est vraiment et je crois que c'est un peu un des thèmes que je continue auxquels je continue à m'intéresser. Comment, au fond, il est tellement important, et aujourd'hui surtout, de reconnaître que l'environnement naturel, mais aussi, en l'occurrence, l'environnement construit, les constructions de Monteverita sont tout à fait remarquables, comment, au fond, ils sont là pour nous permettre de exprimer. Ah, nous avons perdu. Non, peut-être pas perdu, mais égaré, peut-être quelques secondes. Kai Nochis, qui devrait revenir, le temps de recomposer le numéro, peut-être. La communication, je vous le rappelle, vient de Lausanne. Kai Nochis est psychothérapeute à Lausanne. Alors, j'aurais pu m'adresser à un historien, je m'adresse à un psychothérapeute, et d'ailleurs, la différence est intéressante. Et si nous l'avons de nouveau au téléphone, je vais lui poser la question. Est-ce que nous l'avons? Bien. Nous ne l'avons pas. Bon, si nous ne l'avons pas, d'abord, on va le remercier pour la façon dont il a apprécié l'émission. C'est toujours agréable. On va tenter encore quelques secondes, je vais m'adresser à la régie. Est-ce que non, nous ne l'avons pas. Eh bien, écoutez, on le remercie quand même. Kai Nochis, psychothérapeute à Lausanne. Je vous rappelle les coordonnées de son livre, Monteverita Ascona ou le génie du lieu, édité aux presses polytechniques romandes en 2011. « C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Monte Verita, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Nicolas Delmas. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillère, Romain Weber, Adrien Mora et Adrien Cara. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Muriel Pérez. Lecture, Damien Prévost, Aurélien Labrouillère et Philippe Pirard. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelecoy, Yann Guyenne et Benjamin Rick. À suivre, pop, pop, pop, Antoine Decaune, Charline Roux. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Oh, c'est madame. Bonjour, oh, c'est monsieur. Bonjour monsieur Fabrice. Vous avez un peu le temps aujourd'hui, vous avez un peu le temps, profitez-en. C'est vrai, vous voulez que je meuble un petit peu? Non, pas meubler, je vous invite à parler avec moi un petit peu plus longtemps que d'habitude. D'accord, dites-moi Fabrice, est-ce que vous êtes aussi sportif qu'on le dit? Pas du tout, j'aime pas l'effort. Pas du tout. J'aime pas l'effort physique, ça me fatigue, j'aime pas ça. Ah oui, oui. Ah, vraiment, vous voulez qu'on en parle un peu? Non. Non. La danse, vous allez quand peut-être. Même vous allez vous mettre en jambes pour la soirée de demain. Vous savez qu'il y a l'hyper nuit qui arrive sur France Inter, enfin sur 4, 5 stations même du groupe Radio France demain, de la musique de 9h du soir jusqu'à 3h du matin. Bien. Vous pouvez sortir les plateformes Boots, commencer à déboutonner la chemise. Ça va y aller. Mais c'est demain, hein, c'est pas dans les années 70, on peut s'habiller. Et dans 2 minutes, là. Oui, et dans 2 minutes, eh ben, nous recevons deux musiciens absolument passionnants qui figureront, je pense, demain dans cette nuit, Yuxek, le roi de l'électro, et Zed de Youn Pavarotti, un jeune talent. Vous savez quoi? Je suis en retard. Ah, je suis désolé maintenant. Bah, vous n'y pouvez rien. Merci.